Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de l'épuration d'après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, mercredi, nous nous arrêtons à partir d'archives sur les amnisties d'après-guerre. Lundi, nous vous avons parlé de l'épuration en URSS avec Vanessa Voisin. Hier, le documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camard nous a dressé le portrait terrible de Jean Barbier, ultra collaborateur en Isère et son destin d'après-guerre. Un documentaire que vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter sur notre site www.franceculture.fr. Demain, nous vous parlerons de la dimension internationale, transnationale des épurations en Europe. Et aujourd'hui, eh bien, avec Anaïs Quin qui a préparé cette semaine avec nous, nous allons aborder les fameuses amnisties d'après-guerre avec des archives et les analyses de Marie-Bénédicte Vincent, maître de conférence à l'École normale supérieure en histoire contemporaine, spécialiste de l'Allemagne et qui a co-organisé en mars 2014 une journée d'études sur les amnisties post-épuratoires. Et nous serons également en duplex depuis les studios de Radio France Bourgogne qui l'accueillent avec Stéphane Gacon, il est maître de conférence à l'Université de Bourgogne, auteur de l'amnistie de la commune à la guerre d'Algérie, paru en 2002 dans la collection L'univers historique au seuil, spécialiste de cette question d'amnistie. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour. Et bonjour à vous Marie-Bénédicte Vincent. Bonjour. Et bonjour à vous Stéphane Gacon, vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à Dijon avec nous puisque vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette question de l'amnistie. Est-ce qu'il est facile, quand on est historien ou historienne, de démêler le vrai du faux autour de ces questions de l'amnistie? Stéphane Gacon. Je prends la parole depuis Dijon, mais c'est un peu incorrect parce que j'aurais dû laisser la place à Marie-Bénédicte. Non, non. Bon, je vous pose la question en premier. Disons que pour l'historien, la difficulté est celle de du citoyen, c'est-à-dire que l'amnistie impose un silence et qu'il est parfois difficile de retrouver un certain nombre d'archives. Et puis ensuite, il faut prendre un certain nombre de précautions pour ne pas être contraint de rendre des comptes devant les tribunaux, mm-hmm. compte tenu de cette règle de l'oubli. Mm-hmm. Enfin, disons que les historiens se sont accommodés de cette règle juridique. Et dans la pratique, on a, pour travailler sur ces sujets, un nombre considérable de sources, mmh. et puis pour rendre compte de ce qui s'est passé, la règle de l'anonymat qui devrait être respectée, elle est légèrement enfreinte selon le principe tout simple que si les faits ont été publics et bien connus, on peut rendre compte de ce qui s'est passé nominalement, c'est-à-dire en citant les noms. Mmh. Anaïs Quin. Oui, Stéphane Gacon, on a pour habitude de voir beaucoup d'indignation lorsqu'on apprend ces amnisties, les médecins expérimentateurs terribles du Struthof, ce genre de choses-là. Mais vous avez décidé de vous attaquer à la question de l'amnistie sur le temps très long, c'est-à-dire que c'est une tradition française. On verra les autres traditions dans d'autres pays un petit peu plus tard dans cette émission. Mais il y a une tradition française de l'amnistie, c'est un outil politique que vous analysez dans le cadre de l'épuration de la Seconde Guerre mondiale, mais que vous mettez en perspective, notamment avec la Commune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, justement, comment cette application des amnisties au moment de la Commune vous a aidé à mettre en lumière les amnisties d'après-guerre? En réalité, étudier cette amnistie de la Seconde Guerre mondiale est intéressant parce qu'elle est un tout petit peu atypique par rapport à l'ensemble des amnisties qui ont été adoptées sous la République. La République s'inscrivant d'ailleurs dans le sillage de pratiques qui l'avait précédé, mais en lui donnant peut-être à l'amnistie un caractère un peu original, en la plaçant au cœur de sa stratégie de construction de la nation, d'unité nationale qui a été en permanence répétée. Et donc, cette amnistie de la Seconde Guerre mondiale, il est intéressant de l'analyser à la fois dans une logique qui est une logique nationale, c'est-à-dire dans la perspective que vous me suggérez, c'est-à-dire en l'inscrivant dans le temps long de l'amnistie républicaine depuis la Commune jusqu'aux amnisties les plus récentes, la plus importante étant celle qui a soldé la guerre d'Algérie. Et il est aussi intéressant, et sans doute qu'avec Marie-Bénédicte Vincent, il en sera question, de la replacer dans une logique transnationale, au sens où elle, comment dire, elle n'est pas particulièrement originale, au sens où elle correspond à des mesures qui sont prises un peu partout en Europe occidentale à la même époque. Et donc, je dirais, pour résumer mon propos, elle est à la fois originale dans l'histoire nationale de l'amnistie, elle est à la fois originale dans l'histoire nationale de l'amnistie et moins originale dans l'histoire transnationale de l'amnistie, alors, si je puis dire. Un exemple pour pouvoir reposer la question d'une certaine façon, un exemple tiré des archives. Nous sommes en 1946, Anaïs. Oui, nous sommes en août 1946. Alors, l'extrait que vous allez entendre est un extrait d'une tribune de Paris consacrée à la question des amnisties. Nous sommes en août 1946 et cela vous intéressera, Stéphane Gacon, puisque nous sommes quelques mois après l'apparition de cette question de l'amnistie en février 1946 en France, lors du débat sur l'amnistie des événements de Sétif. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. La semaine dernière, alors que l'on discutait à la Constituante une motion des communistes demandant que l'on discutât d'urgence leur projet de réorganisation de la Haute Cour, que Jacques Duclos, justifiant ou tendant à justifier l'attitude des jurés communistes qui, comme vous le savez, avait demandé au parti l'autorisation de démissionner de leur fonction de juré, s'est écrié que, dans cette sorte de crimes qui sont soumis à la juridiction de la Haute Cour, on ne pouvait pas juger sans haine. Et il a même ajouté que cette haine, lorsqu'il s'agissait de crimes contre la patrie, était une haine sacrée. Immédiatement s'est engagée une polémique dans la presse, polémique dont le Florimond Bonte, d'une part, pour les communistes, et Maurice Schumann pour les MRP et François Mauriac pour le Figaro, se sont fait, si je peux dire, les animateurs, si bien que maintenant, cette question de la haine est devenue tout à fait passionnée et qu'il est tout à fait naturel, par conséquent, que notre petit cénacle intervienne dans le débat. Louis-Gabriel Robinet. Je suis en grande partie de l'avis de Guimbert. Je crois que le problème le plus délicat à l'heure actuelle est de juger des gens 2 ans après les actes qui ont pu être commis par eux, et on ne peut pas demander à la justice 2 ans après d'être dans les mêmes sentiments vis-à-vis des criminels. Il y a 2 problèmes, il y a un problème politique et il y a un problème sentimental. Politiquement, il est inadmissible de penser qu'un pays qui se réorganise, qu'un pays qui est en train de se donner de nouvelles institutions, puisse partir avec l'idée que la justice sera dominée par la haine. Vichy, en ce qui me concerne, mais Vichy n'a rien à voir à faire dans cette question. Nous sommes tous contre Vichy, nous sommes tous contre les Allemands, nous sommes tous contre tout ce qui s'est passé. Et il s'agit justement de ne pas recommencer les erreurs et de ne pas remettre sur le tapis toutes les souffrances et toutes les injustices que nous avons connues. Par conséquent, si vous partez avec l'idée de haine, vous allez faire peut-être pire que ce que nous avons connu. Ça me paraît une injustice flagrante. Maintenant, au point de vue sentimental, il est absolument inadmissible que l'on juge 2 ans après des gens pour des crimes qu'ils ont commis il y a 4 ans. Il faudrait arriver à tout de même à se débarrasser de cette question d'épuration, et on se débarrasserait peut-être de cette question de haine. Il ne faut pas prolonger ce débat. Débat dans la très fameuse émission La Tribune de Paris, qui sert tellement à nos émissions documentaires ou à nos émissions d'archives dans la fabrique de l'histoire, tellement cette émission était riche en 1946 autour de cette question de la haine sacrée au sujet des procès de la collaboration, mais également de l'amnistie. On a entendu Louis-Gabriel Robinet du Figaro qui disait, voilà, on va pas continuer encore à faire des procès d'épuration, il faut peut-être tourner la page, disait-il. C'est une question intéressante parce qu'on est quand même en août 46. Entre-temps, quand on vous a lu, Stéphane Gacon, comme le disait tout à l'heure Anaïs Quin, on a appris qu'il y avait une première évocation au Parlement en février 46 d'une possibilité d'amnistie pour les événements qui s'étaient passés à Sétif, et puis une deuxième discussion un peu plus tard en avril 46 sur un texte d'amnistie générale qui concernait en particulier la délinquance de droit commun. C'est dans l'air, dans ces années 46, début 46, que de penser à cette question d'amnistie, Stéphane Gacon ? C'est dans l'air en 1946, je pourrais dire même que c'est en l'air depuis 1944, depuis oui. l'automne 1944. En réalité, la question de la clémence, la question de l'amnistie a accompagné la question de l'épuration et de la mise en place des tribunaux qui vont s'occuper de cette épuration. Effectivement, il y a eu ces débats que vous évoquez au moment de l'amnistie de Sétif, l'amnistie du 10 mars 1946, et donc les débats au Parlement ont été assez vifs, et en particulier à propos de l'Algérie, il a été question de la situation des collaborateurs ou de ceux qui avaient été proches du régime de Vichy en Algérie et de leur cas. Puis plus tard, effectivement, dans cette amnistie du 10 avril 1946, il y a un article, l'article 16, qui exclut de façon explicite les actes de collaboration parce que la chose avait à nouveau été évoquée dans le débat. Mais en réalité, la question de la clémence, elle a été posée dès l'automne 1944. Elle a été posée, par exemple, dans un face-à-face extrêmement célèbre qui a opposé par Mauriac et Camus, effectivement. Mauriac qui plaidait dans une logique qui est effectivement celle du général de Gaulle, puisque dans un discours radio diffusé extrêmement célèbre, de Gaulle avait expliqué le 14 octobre 1944 que seule une poignée de misérables et d'indignes seraient jugés, dans une logique qui était celle gaulliste, ou gaullienne plutôt, de la nécessité de reconstituer rapidement l'unité nationale dans le but de la reconstruction. Il y a une double écueil auquel est confronté de Gaulle et auquel il veut surmonter ce double écueil, qui est à la fois l'écueil de la présence éventuelle des Alliés, et en particulier des Américains en France, et puis la question de la pression des communistes qui sont sortis glorieux de la guerre. Et donc, partant de là, Mauriac va plaider dans les éditoriaux du Figaro cette nécessité d'une clémence, parce que l'erreur est humaine, et puis donc dans une dimension chrétienne qui a souvent été soulignée, et puis dans une dimension strictement politique, qui est une dimension gaullienne. Ma foi, la première occurrence du mot amnistie dans cette histoire, c'est le 13 octobre dans un éditorial de Mauriac, Et d'ailleurs, c'est important, Stéphane Gacon, on entend bien que ces débats sur l'amnistie ont lieu alors même que les procès sont en cours. Comment juger sereinement, finalement, alors qu'il y a une possibilité que ces jugements soient immédiatement invalidés par une amnistie ? En tout cas, les pouvoirs en place, en tout cas les gouvernements qui vont être ceux du début de la Quatrième République, vont résister un certain temps à la pression de cette demande de clémence. Dans une logique qui est un peu celle de Camus, répondant à Mauriac dans ce débat de l'automne et puis du début du mois de janvier 1945, en réalité, il s'agit de faire une épuration rapide et efficace pour pouvoir effectivement reprendre un cours, reconstruire. Enfin, cette idée est présente dans une partie de la résistance, mais évidemment, on connaît la palette de tempérament face à cette question, et on a entendu parler de Duclos il y a un instant, l'intransigeance des communistes. Et en réalité, si on lit Mauriac dès 1944, la dimension évidemment anticommuniste est extrêmement forte, et les tensions entre ces deux grands courants politiques commencent à se dessiner et à s'affirmer de plus en plus au fil du temps. Marie-Bénédicte Vincent. Je pense que dans ce qui vient d'être dit, on a déjà un élément qui peut être intéressant si on élargit la question à l'échelle de l'Europe, en tout cas de l'Europe occidentale. Donc d'abord, il y a un élément de chronologie qui fait, comme vous l'avez dit, que les amnisties se trouvent déjà imbriquées dans le processus épuratoire. C'est pas d'abord l'épuration et ensuite l'amnistie. Souvent, on a d'abord... C'est intriqué. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui nous a intéressé dans une réflexion qui dépasse le cas français, c'est on s'est demandé si la concomitance des premières amnisties. Donc Stéphane Gacon a parlé de l'amnistie de Sétif. En Italie, l'amnistie Togliatti date de 1946. La première amnistie dans la zone américaine d'occupation en Allemagne, c'est aussi août 1946. Donc on s'est demandé si cette concomitance pouvait avoir des explications plus profonde. Et donc on s'est interrogé sur les éventuelles dynamiques transnationales à l'œuvre dans ces décisions d'amnistie finalement assez précoces par rapport à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et nos éléments pour l'instant de réponse sont les suivants. D'abord, on est dans un contexte de refondation démocratique dans un certain nombre de pays qui implique d'avoir des opinions et des populations non divisées. Donc ça a été un élément qu'on retrouve dans plusieurs pays concernés. Deuxièmement, évidemment, une volonté de reconstruction matérielle après la Seconde Guerre mondiale qui explique les besoins en compétences, en expertise, je pense là dans le cas allemand, dans le cas de la reconstruction de l'Allemagne plus précisément. Troisièmement, il y a la réflexion déjà au niveau international de l'émergence d'un droit pénal avec des catégories qui dépassent les histoires nationales. Donc, d'ailleurs, est-ce que dans les débats français, par exemple, il est fait état des débats qui ont lieu en Allemagne, en Italie, etc. Est-ce qu'on écoute ce qui se passe chez les voisins? Alors, je vais laisser répondre Stéphane Gacon pour le cas français. Ce qui est sûr, c'est que pour le cas de l'Allemagne, les premières amnisties ont été promulguées par les puissances d'occupation, c'est-à-dire les Français, les Américains, les Britanniques pour les zones occidentales. Et donc là, il y a vraiment des circulations de modèles qu'il faut étudier. On ne peut pas, se pencher exclusivement sur un terrain sans prendre en considération ce contexte beaucoup plus général des amnisties en Europe. Stéphane Gacon, sur cette circulation en particulier. Pour rebondir sur cette idée, en Italie aussi, une partie de la législation qui se met en place, même si elle va fonctionner brièvement, s'inspire de la législation française, qui est proposée en exemple par les autorités d'occupation, enfin de libération. Un lapsus un tout petit peu fâcheux. Mais pour ce qui est de la France, on est attentif à ce qui se passe ailleurs. Jusqu'à quel point on s'appuie sur les règles, les exemples. Les exemples, et puis aussi refondation du droit international, du droit pénal international, enfin qui pourrait avoir une dimension internationale, je peux m'interroger. En réalité, la présence de l'amnistie étrangère en France, elle sert surtout d'argument politique pour essayer d'accélérer le processus. Cas le plus célèbre, oui. Ce qui est très net en vous lisant, excusez-moi, je vous coupe Stéphane Gacon, ce qui est très net en vous lisant, c'est la multiplicité des cas qui sont pris en compte dans cette question-là. Parce que entre l'amnistie des collaborateurs, soit armés des nazis, les hommes politiques qui ont trempé dans la politique de Vichy, ceux qui font du marché noir, ceux qui sont jeunes, et parce qu'ils sont jeunes, on peut leur pardonner. Alors que les plus âgés, dit-on dans certains débats, sont plus responsables. Ceux qui ont 18 ans ou entre 18 et 21 ans ne sont pas traités de la même manière. On s'aperçoit que la société bruisse tout de même, la société française en tous les cas en vous lisant, bruisse quand même de toutes ces catégories, tous ces mélanges, tous ces débats que, évidemment, d'anciens pétainistes sur le retour vont attiser les feux pour accélérer ces amnisties, qu'il y aura des résistances de l'autre côté. C'est quand même un gros débat qui dure plusieurs années tout de même. Vous avez dit automne 44 pour le début, c'est plutôt vers 53 qu'on peut clore la parenthèse, et encore, c'est quand même plusieurs années de discussion, Stéphane Gacon. Oui, c'est plusieurs années de discussion, effectivement. Je ne sais pas si on a précisé que les deux grandes lois qui réalisent cette amnistie pénale, puisqu'il faudrait faire une place à tout ce qui relève de l'épuration administrative, c'est la loi du 5 janvier 1951, et c'est la loi du 1951 et la loi du 24 juillet 1953. La première étant une loi partielle qui, effectivement, va prendre en compte un certain nombre de catégories, et en particulier la catégorie des mineurs, des mineurs de moins de 21 ans ou de moins de 18 ans. Je ne sais pas si j'entre dans le détail de ce qui différencie ces deux catégories dans la loi, mais c'est en fonction de la gravité des faits, des implications, des faits. Hein. Et puis, en réalité, le cas des mineurs avait déjà été pris en compte dès la loi du 16 août 1947. Donc, effectivement, et puis au cœur de la loi de 1951, il y a la question de l'indignité nationale, de la peine de dégradation nationale que la loi s'efforce d'adoucir. La loi du 24 juillet 1953 sera une loi qui sera une amnistie non pas totale, puisqu'elle exclura ceux qui sont coupables de crimes, enfin de meurtres, de viols, de dénonciations, ceux qui ont contribué à la torture. Enfin, c'est la formule de la loi à la déportation, à la mort de Français, en particulier en facilitant l'œuvre des forces ennemies. Et ceux qui ont travaillé avec la police et avec l'espionnage. Voilà, ce qui laisse ouvert beaucoup de cas. Une possibilité de poursuite dans un certain nombre de cas, et on aura des exemples. Vous évoquiez d'ailleurs, je crois, hier Jean Barbier. Jean Barbier, effectivement. Marie-Bénédicte Vincent. Alors pour l'Allemagne de l'Ouest, les deux grandes lois d'amnistie sont la loi du 31 décembre 1949, qui est une des premières lois de la RFA, qui est votée avec un très large consensus, d'une part politique, mais aussi dans l'opinion. Donc, et la deuxième grande loi, c'est la loi du 17 juillet 1954. Donc on est sur une temporalité qui est finalement assez proche du cas français et qui ne sont que deux éléments d'un dispositif qui est plus complexe, un dispositif de clémence qui comprend d'autres dispositions comme la grâce, des lois de réhabilitation aussi ou de réintégration de fonctionnaires dans leurs droits. Donc là, il faut bien voir que l'amnistie, c'est un des éléments possibles parmi d'autres dans des dispositifs de clémence qui peuvent varier selon les pays, tous les pays d'ailleurs ne connaissant pas l'amnistie en Europe. Alors, signe de cette ambiguïté d'après-guerre et du destin de certains, vous avez retrouvé une archive de 1995, Anaïs, dans les fonds de l'INA. Oui, alors on va entendre Jean-Louis Aujol, qui était avocat au barreau de Paris, et qui a défendu au sortir de la guerre Jacques-Benoît Méchain, un grand dignitaire du régime de Vichy, et qui raconte comment son client ne pouvait échapper à une condamnation, et une condamnation très sévère, et comment il a réussi à obtenir sa grâce malgré tout. Qui a sauvé Benoît Méchain ? C'est moi, mais pas par ma plaidoirie. Je l'ai sauvé parce qu'il y a eu dans toute cette affaire une circonstance providentielle pour lui. L'avant-veille où le procès s'est ouvert, je reçois un coup de téléphone de Noguère, qui était un avocat du barreau de Paris. Il était président de la haute cour. Je suis appelé par le président Noguère. Il me dit, écoutez, je vous ai fait venir. Voilà, quelque chose qui m'ennuie beaucoup dans cette affaire. Il dit, qu'est-ce que c'est ? C'était la conférence de Berlin, qui avait été réunie par Göring, qui n'avait qu'un souci, c'est empêcher le débarquement allié en Afrique du Nord. C'est un tête-à-tête que le maréchal du Reich veut avoir avec son homologue, le général Juin. On a dit, ils sont entendus pour résister à un débarquement allié. Alors, Noguère me fait venir, il me dit, j'espère que vous serez d'accord mon cher ami, c'est l'intérêt du pays, on étouffe. On ne parle pas de l'incident Juin. Vous comprenez, Juin, c'est le seul grand militaire de cette guerre. Bon, il ne faut pas parler du dossier. Alors moi, je lui dis, qu'est-ce que vous me donnez en échange ? Pensez bien que j'avais essayé ce petit chantage pour avoir un engagement, mais que je n'avais pas l'intention de sortir l'affaire Juin à l'audience. C'était inélégant, ça ne c'était pas parce qu'il avait fait ça qu'il était collaborateur. Il n'avait jamais vu personne, on l'avait envoyé là à cette conférence. Alors bon, on a fait l'impasse. Alors quand Benoît Méchain était condamné à mort, bon, je vais voir Auriol. Alors, mais alors, avec son accent du midi, mais alors, mon cher ami, qu'est-ce qu'on en fait de cette sale affaire ? Ben, c'est vous, je lui dis. Qu'est-ce que vous en faites ? Je réfléchis, c'est très grave. Il restait dans un flou léger. Alors, il me sort la main, il me dit, à bientôt, ça. Le lendemain, j'apprends qu'il l'a gracié. « 9h31 sur France Culture. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire et nous parlons dans une semaine consacrée à l'histoire de l'épuration, des amnisties d'après-guerre, avec nos deux invités, Stéphane Gacon et Marie-Bénédicte Vincent, ainsi qu'Anaïs Quien, qui a préparé la semaine avec nous. Alors là, on vient d'entendre l'avocat de Benoît Méchain et on voit bien que le destin d'un homme comme Benoît Méchain, grand collaborateur devant l'Éternel, a été donc scellé par une sorte de jeu de passe-passe ou de jeu de bonneteau avec le président Auriol, avec Auriol, etc. Parce qu'il fallait défendre la mémoire qui risquait d'être ternie, enfin l'image qui risquait d'être ternie de celui qui était le maréchal Juin, donc un grand héros de la libération du territoire, Stéphane Gacon. C'est une sorte de troc, on a l'impression, en tout cas quand oui, on écoute... Oui, on a l'impression... On a l'impression d'une sorte de négociation comme ça, un tout petit peu désagréable au regard de l'histoire. Enfin, bon, quelle conclusion en tirer du point de vue de l'historien ? Bon, en réalité, ce qui s'est produit, c'est que, effectivement, en France, comme ailleurs, en particulier en Allemagne, la grâce a été un outil de la clémence qui a accompagné le processus d'épuration des épurations. Donc, mais pour quel type de condamné ? C'est peut-être ça la question intéressante. Alors, donc, en particulier, assez rapidement, un certain nombre de gens qui avaient été condamnés pour des faits de collaboration vont être graciés. Oui, mais des gens, disons, dans la hiérarchie de la collaboration, c'était des ministres, des gens importants, ou c'était collaborateurs étaient touchés par ce type de grâce. Non, en réalité, il s'agit essentiellement dans la première phase. On reparlera plus tard peut-être de ce qui se passe après les lois d'amnistie, dans la logique qui sera celle de l'apaisement total qui est souhaité par un certain nombre de dirigeants, en particulier après la mort du général de Gaulle. Mais dans les années 70. Dans les années 70. Donc, moi, j'aurais tendance à vouloir regarder le problème de façon plus haute, au sens où il y a, à un moment donné, une sorte de relatif consensus qui va se faire sur la nécessité de cet apaisement. Au nom de quoi ce consensus ? J'ai dit un consensus relatif, compte tenu du fait que le temps a passé, qu'il faut s'inscrire dans une dynamique de reconstruction, qu'on est entré dans la logique de guerre froide, très clairement, et qu'on est en train de mettre en place des alternatives politiques, à la fois pour se protéger contre la menace communiste, et puis pour penser l'avenir de la France, qui serait éventuellement un avenir inclus dans une entité européenne. C'est le moment de la construction européenne, et les débats d'amnistie en France, ils sont contemporains des débats sur la construction de la CECA et puis le débat essentiel sur la CED. Et donc progressivement, on assiste à une coupure de plus en plus nette qui va opposer les opposants et les partisans à l'amnistie. Les socialistes de la SFIO vont rester relativement intransigeants et les communistes, évidemment, refusant toute amnistie. Un dernier mot peut-être. Ce à quoi on assiste et dont témoigne peut-être le petit échange qu'on vient d'entendre à propos de Benoît Méchain, c'est à une normalisation politique de la vie politique française, une fermeture de l'épisode de la libération, et puis la poussée politique à droite. Il ne faut pas oublier que la fin du tripartisme en 1947 et puis l'échec de la Troisième Force conduit à l'installation des premiers gouvernements réellement dirigés par des présidents du Conseil de droite dans les années 50. Si le MRP a été au début la force qui a réclamé la clémence, elle se réalise réellement avec les Républicains indépendants, avec Pinet. C'est Pinet qui est aux affaires au moment où la grande loi de 1953 commence à être négociée. Marie-Bénédicte Vincent. Alors, la grâce, il y a une différence par rapport à l'amnistie qui est bien expliquée dans les travaux de Sophie Weinrich sur l'amnistie politique qui sont très utiles, je trouve, pour penser ces questions. Dans l'amnistie, il y a une dimension d'oubli, une injonction à oublier qui peut poser problème aujourd'hui justement aux opinions, aux historiens. Mais dans la grâce, c'est différent. C'est un dispositif de clémence qui enlève l'exécution de la peine, mais pas la condamnation. Donc c'est quand même différent, je pense, au plan juridique. Alors sinon, pour la question est très importante, c'est la question de l'opinion et la perception à l'époque de ces amnisties et de ces grâces. Je crois que l'entrée dans le contexte de la guerre froide doit beaucoup compter. Pour le cas allemand, aujourd'hui, les historiens, notamment les travaux de Dominique Rigol, qui fait partie de notre équipe sur le travail de ces épurations envisagées au niveau transnational, montrent que l'envers, si on peut dire, des amnisties très larges accordées à des anciens nazis, c'est la lutte contre le communisme et contre les communistes à l'intérieur des administrations et des services publics de la RFA. On ne peut pas comprendre toutes les mesures d'amnistie à partir de cette loi du décembre 1949 sans les dispositifs exactement symétriques d'éviction des communistes, notamment des sphères, de la sphère politique, mais aussi dans les administrations, au niveau même le plus bas des hiérarchies ministérielles, etc. Voilà, donc ça, c'est, je pense que c'est très important à prendre en compte, sinon on n'a qu'un des aspects de cette histoire. Et finalement, Marie-Bénédicte Vincent, on a la sensation que l'élaboration de ces lois, que ce soit en France, en Allemagne ou en Italie, touche plus à une vision de l'avenir qu'au fait d'explorer la question elle-même de la collaboration ou de l'engagement nazi en Allemagne. C'est-à-dire, on s'attend à voir apparaître une typologie des collaborations. Du moins au plus grave, qui force une société, qui force aussi une classe politique à s'interroger sur la responsabilité de chacun. Et là, dans ce que vous êtes en train de nous expliquer, on a la sensation que finalement, cette tentative de classement, d'identification de la faute à punir, puisque toutes les fautes ne sont pas punissables de manière égale, s'efface derrière effectivement l'apparition de cette guerre froide. Bon, alors il y a plusieurs choses. D'abord, il faut bien voir qu'en Allemagne, le contexte de l'occupation a fonctionné comme un rejet. Donc, c'est-à-dire avec l'idée que les grands criminels ont déjà été sanctionnés. C'est comme ça que les Allemands de l'Ouest, en tout cas, perçoivent les choses lors des grands procès, le procès de Nuremberg, les procès successeurs, les procès ensuite. Il y a eu une épuration durant la période de l'occupation. Donc ça, c'est acquis. Et cette épuration, elle continue sur un mode, en tout cas à l'Ouest, atténué, très atténué dans les années 50, avant une relance dans les années 60. Donc, pour l'Allemagne de l'Ouest, il faut se démarquer de cette période qui est une période d'occupation étrangère, où les occupants imposent leur épuration, leurs droits. Et leurs amnisties aussi, et ou pas ? Leurs premières amnisties, mais de ce fait, le consensus est facile à réaliser contre cette période et avec l'idée que la réintégration d'un très grand nombre d'anciens nazis est finalement perçue comme juste à l'époque, même si pour nous, évidemment, avec ce recul, ça paraît assez curieux. Voilà. Il y a eu beaucoup de travaux sur les épurations en Allemagne, notamment des travaux d'histoire croisée avec Annette Weinke, qui travaille à la fois sur les épurations en RDA et en RFA, ou dans la zone soviétique et zone occidentale. Et en fait, aujourd'hui, on n'envisage plus les épurations séparément dans ces deux parties d'Allemagne. On les envisage comme un processus d'histoire croisée, c'est-à-dire qu'elles se répondent. Donc ça, c'est... Et elles se relaient peut-être. Et elles se relaient au sens où, quand l'Allemagne de l'Ouest recommence à lancer des poursuites judiciaires contre des anciens nazis qui avaient échappé à l'épuration initiale, elle le fait donc à partir de 1958, 1959 et dans les années 60, parce que aussi la RDA attaque verbalement la RFA en l'accusant d'être un repère d'anciens nazis. Donc c'est aussi un élément de réponse à ces attaques. Ce que on croit comprendre, Stéphane Gacon, en tout cas pour le cas français, c'est qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la question de l'avancée de ces amnisties, de plus en plus nombreuses et de plus en plus, larges, correspond aussi à une sorte de recul de l'esprit de résistance ou de l'idée de résistance que vous expliquez dans vos travaux, Stéphane Gacon. C'est que à partir justement de ces années 50, début d'années 50, au moment où justement où ces lois d'amnistie voient le jour, 51-53 pour le territoire français, eh bien peut-être il y a une sorte d'épuisement, dites-vous, de l'idée de résistance et surtout d'une résistance unie. Est-ce que ça va ensemble, pourrait-on dire? Oui, ça va ensemble. En 1948, c'est une année tournante dans cette histoire de l'amnistie, de la campagne pour l'amnistie, où on voit très clairement se diviser la résistance autour de cette question. C'est la réapparition d'une droite qui se reconstitue autour d'un certain nombre de partis. Et la résistance essaye de dans un dernier souffle, on a l'impression, dans un dernier souffle, de faire face à cette renaissance d'une droite qui admet, sans trop de complexe, qu'elle a participé à l'aventure de Vichy. Mmh. Et donc, on voit à la fois s'organiser une résistance, une défense de la résistance communiste et une défense de la résistance non communiste autour du CAR. Et donc, il y a donc très clairement une inscription de cette histoire de la résistance dans la logique de la guerre froide qui met un terme à cette, à cette, à cette unité. C'est en ce sens-là qu'il y a une sorte d'épuisement. Voilà. La question que je voulais peut-être évoquer en complément à propos de la France, c'est que il y a, au-delà de cette logique politique, de cette décomposition de l'unité de la résistance, mais qui était relativement prévisible et déjà sensible dans les années qui précédaient, c'est le fait que ces amnisties, finalement, elles ont fait assez peu débat dans l'opinion publique en France, comme en Allemagne ou comme peut-être en Italie. On a un sondage de 1949 publié dans le Figaro qui indique que déjà en 1949, 60% des Français trouve absolument normal d'accorder une clémence amnistie ou grâce amnistiante à des collaborateurs ou à des gens qui ont participé à Vichy. La question de la hiérarchisation des peines est aussi assez peu évoquée en dehors des enceintes parlementaires. C'est ce qui a fait dire à Henri Rousseau, quand il parle de cette amnistie ou de cette série d'amnisties, qu'il y a un décalage de plus en plus grand entre une perception savante, celle des associations, des partis, où il y a un vrai débat sur la question de l'amnistie et où justement la vie politique se restructure autour de causes comme celle-ci, ce sont des lieux d'affrontement, et puis une mémoire populaire qui se désintéresse de cette question parce qu'il y a d'autres enjeux. Il y a à la fois le fait qu'il y a eu un choc moral et politique, il y a eu par rapport à ce qu'était, on va dire, la République dans la conscience collective ou dans la culture politique nationale, l'épisode de Vichy a été un vrai choc et on veut essayer d'oublier cette compromission d'une grande partie des Français par rapport à ça. Et puis, il y a le fait qu'on s'inscrit dans une perspective d'avenir d'un point de vue économique. Ouais. Enfin, les historiens de cette période ont montré que, ma foi, il y avait très tôt. 1949, c'est l'année de la fin du rationnement et c'est le début du baby-boom. Enfin, on entre dans une phase d'optimisme et évidemment, on cherche à rejeter tout ce qui peut gêner. Un des phénomènes qui a permis cette hiérarchisation, c'est sans doute finalement les résultats des procès de Nuremberg qui définissent une frontière entre ce qu'on ne peut pas excuser, ce qui sera imprescriptible, c'est-à-dire le crime contre l'humanité et le reste. Alors à l'époque, il est clair que ce n'est pas évidemment la persécution et l'extermination des Juifs qui sont au centre de l'épuration en France, mais la trahison vis-à-vis de la patrie. Mais pour la suite, c'est important, ça permet de... c'est pour cela aussi qu'on va avoir cette histoire longue on pourrait dire, de la l'épuration et de la désépuration pendant plusieurs décennies, c'est qu'il y a progressivement une frontière ou une limite qui est mise entre ce qui va pouvoir être amnistiable et ce qui ne l'est pas. Voilà, ce qui va devenir imprescriptible dans le droit français, donc en 1964, et puis ce que l'on peut amnistier, c'est-à-dire avec l'idée qu'on va hiérarchiser la culpabilité, ça me paraît très important et ça fonctionne aussi dans le cadre allemand, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest ne peut pas revenir, c'est une condition du retour de la souveraineté, ne peut pas revenir sur les verdicts des procès alliés, ne peut pas revenir sur les condamnations pour crimes notamment contre l'humanité. Et donc les gens qui vont être amnistiés ne relèvent pas de cette catégorie, que ce soit bien clair. Hein, ce sont notamment des membres du parti nazi soit sans responsabilité, soit progressivement avec des petites responsabilités qui sont amnistiées, mais pas cette catégorie qui est intouchable, en fait. C'est Sophie Manrich dit, c'est l'irréconcilié dans la société démocratique. On ne peut pas les réintégrer, ceux-là. Mmh. Voilà. Donc ça me paraît très important. Alors, vous évoquez justement cette longue durée de ce que Marie-Bénédicte Vincent vient de qualifier d'épuration d'un côté et de désépuration. Eh bien, on ne pouvait pas ne pas évoquer la conférence de presse de Georges Pompidou. C'était le 21 septembre 1972. Une question lui est posée pendant cette conférence de presse. Et comme souvent à cette époque-là, les présidents sont toujours contents des questions qu'on leur pose. Monsieur le Président, les résistants de la région Rhône-Alpes ont été péniblement surpris d'apprendre que Paul Touvier, qui s'était tristement illustré dans notre région et qui a été condamné 2 fois à mort, avait bénéficié d'une grâce présidentielle. Et il avait également bénéficié d'une remise des peines accessoires, d'interdiction de séjour et de confiscation de biens. Est-il indiscret, Monsieur le Président, de vous demander les raisons qui ont motivé votre geste ? Je vous remercie de votre question. Si vous ne l'aviez pas posée, je l'aurais soulevée. Le droit de grâce n'est pas un cadeau fait au chef de l'État pour lui permettre d'exercer ses fantaisies. C'est une responsabilité parfois effrayante qu'on lui impose et qu'il prend au vu des dossiers, bien sûr. Mais seul, avec sa conscience. Et la tradition et le devoir l'empêchent et de s'expliquer et bien sûr de revenir sur ses décisions. Imaginez ce que ça donnerait dans d'autres cas, une condamnation à mort, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que la grâce constitue une absolution de la faute. Ni que, si peu que ce soit, elle diminue la pitié ou le respect qu'on doit aux victimes. Elle est purement et simplement un acte de clémence, et c'est tout. Mais si je ne m'explique pas, et si je ne peux ni ne veux revenir sur cette décision, je puis par contre vous indiquer quelques réflexions que m'ont inspiré les réactions que j'ai reçues. Notre pays, depuis un peu plus de 30 ans, a été le drame national en drame national. Ce fut la guerre, la défaite et ses humiliations, l'occupation et ses horreurs, la libération, par contre-coup l'épuration et ses excès, reconnaissons-le. Et puis la guerre d'Indochine, et puis l'affreux conflit d'Algérie, et ses horreurs des deux côtés, et l'exode d'un million de Français chassés de leur foyer, et du coup l'OAS, et ses attentats, et ses violences, et par contre-coup la répression. Alors, ayant été, figurez-vous, dénoncé par des gens de Vichy à la police allemande, ayant échappé 2 fois à un attentat de l'OAS, une tentative d'attentat, une fois aux côtés du général de Gaulle et l'autre fois à moi destiné, je me sens le droit de dire, allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux ? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient. Et je ne dis pas ça même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. Voilà donc la déclaration lors d'une conférence de presse de Georges Pompidou le 21 septembre 1972 à propos de la grâce accordée à Paul Touvier. Stéphane Gacon, il est intéressant de l'écouter comme on vient de le faire sur la longue durée, cette réponse. Généralement, on garde juste la fin sur la question de jeter le voile et puis de ces guerres fratricides qui divisent les Français. Mais quand on l'écoute, eh bien, lui aussi, il remet dans la longue durée. Pompidou, il raconte l'OAS, il raconte la guerre d'Algérie, il raconte la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il remet dans une durée plus longue que la simple histoire de la Seconde Guerre mondiale sur ce point, Stéphane Gacon. Oui, il remet dans la longue durée, de l'après Seconde Guerre mondiale. En réalité, il ne remonte pas aux origines de l'histoire de ces dispositions. Au cœur de son discours, il y a la question de la nécessité d'en finir avec la guerre civile et de ressouder la communauté nationale, de tourner définitivement la page, ce qui est effectivement une des logiques, une des vocations qui a été au cœur de l'amnistie depuis les grandes amnisties de la Commune en 1879-1880. Bon, il y a eu néanmoins un changement relativement sensible dans la logique et la perception des amnisties entre le début et la fin de la période qu'on est en train de considérer. Je dirais simplement que dans la première phase, l'amnistie est très largement, compte tenu de ce qu'est la République et les gouvernements qui la dirigent, une amnistie qui est une grande cause de gauche, qui est réclamée à gauche. Et à un moment donné, ça commence à se dessiner avec l'affaire Dreyfus, et évidemment avec l'amnistie de la Seconde Guerre mondiale, on voit évidemment que cette amnistie devient une grande cause de droite. Et elle devient quelque chose d'absolument scandaleuse pour une partie de l'opinion publique à gauche. Et bien évidemment, la mesure qui est prise par Pompidou à propos de Touvier est vécue comme une insulte pour l'opinion publique de gauche. Oui, on est aussi dans la parution de La France de Vichy en 72 de Paxton, qui va profondément changer la donne, ce que ne sait peut-être pas Pompidou. Oui, dernier mot, brièvement, Stéphane Gacon, avant que je donne la parole à Bill. On est avec cette mesure dans une sorte de point d'acmé de cette volonté d'en finir avec l'épuration, de tourner la page, qui ravive un certain nombre de conflits politiques, comme je viens de le suggérer. Et évidemment, il y a une sorte de conjonction de temps qui est extrêmement intéressante pour l'historien, puisque c'est le moment où vont sortir les premiers travaux historiques critiques qui vont expliquer exactement ce qu'a été Vichy et qui a été Touvier, réalité. Ce qui va ouvrir la place au procès suivant. Marie-Bénédicte. Donc à une réouverture de l'épuration, d'une certaine façon. Bon, disons que ce qui est très intéressant avec ces amnisties, pour faire rapidement de l'après Seconde Guerre mondiale, c'est qu'elles marquent peut-être le retournement dans la perception de l'amnistie. On a un dispositif qui était associé à la démocratie et avec un certain prestige. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a un discrédit de l'amnistie. Du fait de ces amnisties post-Seconde Guerre mondiale, il y a un discrédit de l'amnistie qui se met en place en Europe. Oui, c'est valable en Italie, c'est valable en Allemagne, c'est valable en France, parce que ces amnisties de l'après-Seconde Guerre mondiale, ultérieurement, sont vues de nouvelles manières. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on est dans un nouveau rapport à la justice. La justice doit avant tout d'abord aider à faire émerger une vérité, d'autre part faire réparation, les revendications des victimes, qui sont bien sûr légitimes, mais qui n'étaient pas au centre peut-être des dispositifs dans l'immédiat après la Seconde Guerre mondiale. Et ces demandes de victimes qui sont aujourd'hui centrales introduisent une distance forcément avec ces amnisties qui deviennent incompréhensibles. On dit que quelque chose a été raté dans l'après Seconde Guerre mondiale, mais parce que elles n'ont pas été pensées de la sorte. Donc là, je pense que il y a une évolution de notre perception de ces dispositifs qu'il faut avoir en tête quand on travaille ensuite sur ces 60 ans ou 70 ans auparavant, pour pas produire une mauvaise perception, ou en tout cas anachronique, de la part de l'opinion de ces amnisties. Une sorte de contresens qu'on aurait tendance à... Alors en France, c'est plus difficile parce que il y a eu le consensus n'a jamais été total. Hein. Mais en Allemagne, il y avait dans les années 50 un parfait consensus hein, sur les lois de réintégration. Ça ne fait pas débat, tout le monde est d'accord. C'est difficile à comprendre aujourd'hui quand on connaît évidemment les atrocités du régime nazi, et la manière dont la société allemande s'est reconstruite, avec notamment cette réintégration d'un très grand nombre de personnes compromises au niveau. Mais par exemple, pour l'Allemagne, ça a été possible, parce qu'aussi on avait, dans une sorte d'imaginaire, divisé entre méchants nazis et puis, par exemple, société allemande ou alors armée allemande qui aurait suivi, mais sans vraiment adhérer au nazisme. Évidemment, tous les travaux des historiens vont à l'encontre de cela aujourd'hui. Et donc, on voit bien que tout cela... correspond aussi à l'évolution du regard porté par les historiens sur les sociétés, la société du Troisième Reich. Voilà, et puis les changements de génération, il faut bien voir que dans les années 50, ceux qui décident qui est amnistié, c'est eux-mêmes ont à passer bras. Hein. Donc les personnes qui décident et qui fabriquent les lois et qui fabriquent les dispositifs, notamment au ministère fédéral de l'Intérieur, sont des personnes qui étaient d'anciens nazis. Hein. Donc eux qui décident qui fait partie de la démocratie sont eux-mêmes pas forcément des démocrates anciens. Mmh. Voilà. Donc et ça, c'est aussi à prendre en compte dans la genèse et la fabrication de ces dispositifs. Hein. Qui sont les personnes qui, derrière, écrivent les dispositions, les lois? Et je pense que ça, c'est aujourd'hui des sujets très actuels de la recherche, comme le montrent les enquêtes qui sont aujourd'hui lancées en Allemagne dans des différents ministères sur le personnel et les politiques produites et appliquées par ces personnels dans l'après-guerre. Merci Marie-Bénédicte Vincent. Vous êtes d'ailleurs vous-même spécialiste de ces questions, des personnels administratifs en particulier et des fonctionnaires dans l'Allemagne du XXe siècle. Merci à vous Stéphane Gacon. On aura tout intérêt, si on veut en savoir plus sur cette longue histoire de l'amnistie sur laquelle vous avez travaillé, de se reporter à votre livre sur l'amnistie de la Commune à la guerre d'Algérie, qui était paru en 2002 dans la collection L'Univers historique au Seuil. Vous avez récemment et très brièvement travaillé sur un autre type d'amnistie, je crois, c'est-à-dire les amnisties vis-à-vis des grèves, c'est ça, au tout début du XXe siècle, Stéphane Gacon ? Oui, j'ai publié une contribution dans le numéro de janvier du XXe siècle sur les grandes grèves des années 1906-1910, mmh. Autour du personnage de Clemenceau, en essayant de réfléchir à quelle était sa stratégie politique et quelle place occupait l'amnistie des mouvements sociaux dans sa stratégie politique. Merci Stéphane Gacon et merci à nos collègues de Radio France à Dijon qui vous ont accueilli dans les studios de Radio France Bourgogne. Et puis par ailleurs, notons que vous l'avez cité plusieurs fois, Sophie Vaniche a travaillé évidemment sur cette question de l'amnistie, mais depuis la Révolution française. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette émission. Voilà, troisième volet terminé de cette série de l'histoire de l'épuration. Demain, nous continuons sur les pas de Marie-Bénédicte Vincent et de Stéphane Gacon, c'est ça ? Oui, nous avons déjà bien entamé le débat d'ailleurs aujourd'hui, puisque demain, il s'agira de savoir si une histoire européenne de l'épuration est possible. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marseille. Nous avions avec nous à la technique aujourd'hui Bruno Gagnère-Fontani et à la réalisation Françoise Camard. Et si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit et laisser vos commentaires sur nos pages, www.franceculture.fr, ou encore sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou nous suivre sur le réseau Twitter.